Une férocité impossible à atteindre, de Judith Louis. Première émission. Très tôt, j'ai appris à ne pas aimer les gens. Comme une seconde peau que j'enfilais. J'ai toujours eu le sentiment juste envers autrui. Adapté. Félin. Je n'ai jamais parcouru le sentiment vrai. Maladroit. Usé. La peur de perdre. La défiance d'un autre sans cesse décevant. La lassitude face aux sempiternelles contraintes sociales. L'agacement devant les plaintes existentielles sans originalité. Je peux d'ailleurs me passer de tout le monde. De n'importe qui, allais-je dire. De n'importe qui à n'importe quel moment. Je ne suis pas attachée aux gens. Je suis attachée à maintenir les apparences. Je peux même me passer de mon fils. La maternité ne m'a rendue ni plus douce ni plus pleine. Il peut partir demain, mourir demain. Je suis prête. Je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Je ne crains pas la perte. Je ne crains pas le vide. C'est même mon espace vital. Ce qui a été le plus dérangeant, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés. Le temps de faire un semblant de couple et un enfant. J'ai pu faire semblant. J'ai même failli me faire prendre à cette illusion-là. Et puis la vie a repris son cours. Garde partagée, 15 jours pour l'un, 15 jours pour l'autre. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle possibilité puisse m'être idéale à ce point. Cela préserve mon fils de son hérédité maternelle. Et puis son père est quelqu'un de normal. Il est dans le cœur de la vie et il n'est pas dans la police. J'aime le crime. Comprendre de quel tréfonds il se nourrit. Approcher à pas de louve. Affamé par la plénitude du geste hors la loi. Celui de l'accompli irrémédiable. Mais ce contrôle inné que j'impose à toute chose m'a permis de ne pas franchir la ligne. Je suis parvenue à gravir les échelons avec sûreté. Je ne suis pas particulièrement obsédée par ma carrière. Juste ce besoin d'être confronté à plus noir, plus impénétrable. Je fais mon travail, je me fais bien voir de mon équipe et de ma hiérarchie et le tour est joué. La paresse m'intime l'ordre de ne pas quitter cette ville où je suis née. J'ai beau ne pas être un modèle, je devine qu'être loin de son quotidien déstabiliserait ce petit garçon de 6 ans plus que de raison. Je sais tenir mon rôle de mère, comme tous mes rôles. À 7 heures de la nuit, je suis assise dans une voiture de police banalisée. J'attends le flag avec mes équipes. J'ai absolument tenu à être là, alors que rien ne m'y obligeait. Je suis commissaire divisionnaire, ma place n'est plus sur le terrain. Mais j'avoue que derrière ce casse minable de pharmacie qui s'annonce, je trouve encore ce plaisir sombre dont je me nourris. Pleine lune sur cette ville de province désertée par la nuit réparatrice et familiale des gens bien. Les miens se reposent tandis que je rejoins des criminels. Je sais ce que je fais, j'ai toutes mes raisons de le faire. Je suis comptable dans un cabinet d'experts. Je gère de nombreux commerçants et des petites entreprises de la ville. Ma femme dit de moi que je suis aussi carré que mes chiffres. Je mène une vie tranquille. Enfin, je croyais. Je suis marié depuis plus de 20 ans et j'ai 2 enfants. Un que j'ai perdu il y a 2 ans. Et une fille. Mon fils a été assassiné une nuit d'été lors d'un braquage dans la station-service pour laquelle il travaillait en extra. Les jeunes malfrats l'ont poignardé avant de s'enfuir avec la caisse. Les 2 voyous arrêtés ont été acquittés. Faute de preuves. Alors j'ai décidé de trouver ces preuves pour les porter sur le bureau du juge d'instruction. Dangereuse énergie du désespoir. Je sais. Personne ne m'aide. Je suis seul à la manœuvre et j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Peut-être cette obsession est-elle l'ultime geste d'amour que je puisse rendre à mon fils, alors que je suis passé à côté de lui toute sa vie. Tout a vraiment commencé lorsque j'ai quitté le costume pour investir le blouson de cuir, pour traîner dans les bars louches et les quartiers chauds de la ville. Je me souviens, il y a quelques semaines, lors d'une de mes premières incursions, ma dégaine empêtrée, mes regards avides qui devaient trahir le décalage. On n'aurait même pas pu me prendre pour un flic. Celui-ci aurait eu plus de désinvolture. Une nuit, je me suis fait accoster par un jeune habitué des lieux qui avait repéré mon manège. T'es pas d'ici ? Qu'est-ce que tu cherches ? Affolé, sans penser aux conséquences de mes paroles, j'ai utilisé la seule explication qui me venait. Je sors de tôle. T'es revenu sur les lieux du crime ? A riposté le jeune voyou en rigolant. Quel crime ? Ai-je plaisanté. Je suis là parce qu'on m'a donné un nom, un ami d'amis qui pourrait m'aider, Pierrot Autain, le nom d'un des meurtriers de mon fils. Pourquoi avais-je balancé ce nom sans réfléchir ? La peur me faisait me comporter comme un idiot. Mais le jeune n'était pas plus troublé que ça, au contraire. Le vieux n'avait pas besoin de chercher plus longtemps. Pierrot, c'est justement un pote à lui. Par contre, c'est dommage, il tombe mal. Pierrot a dû se mettre au vert. Il en est fallu de peu qu'il lui arrive la même chose qu'à toi. Si proche du but. Si vite. Depuis, je mène une double vie. Tout en poursuivant mon intrusion parmi les voyous, ma vie ordinaire continue son cours asséché. Les simulacres de repas familiaux, les bilans annuels pour les commerçants, les samedis soirs réservés aux copains ou à la rituelle sortie cinéma. Même si je ne peux partager avec personne les dangers que je prends, la confrontation régulière avec ce monde parallèle me rend plus fort. Je réalise que c'est ailleurs, ici, que je vis. Enfin. Il ne me reste plus que cette pharmacie pour participer aux épreuves de la cour des grands. Et j'aurai tout en main pour assouvir la mission que je me suis ordonnée. C'était Une férocité impossible à atteindre de Judith Louis. Première émission. Avec Noémie Landreau et Jean-Claude Dauphin. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.